بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. On continue la lecture de Kitab al-Tawhid. Et on avait expliqué que les chapitres qui étaient venus jusqu'à maintenant, c'était comme une introduction. Donc il dit ici, Bab tafsir al-Tawhid wa shahadati an la ilaha illallah. Donc le chapitre ici s'intitule Tafsir al-Tawhid, c'est-à-dire l'explication du Tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah. Donc quand il dit ici al-Tawhid et l'attestation de la ilaha illallah, en fait, c'est comme pour signifier que al-tawhid, c'est le sens de la ilaha illallah. C'est-à-dire que l'explication du tawhid et l'explication de la ilaha illallah, ça ne sera pas deux sens différents, c'est le même sens. Puisque le sens de la ilaha illallah, c'est al-tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait que l'adoration lui revient de façon exclusive. Ça, on l'a déjà vu. Donc, on pourrait se poser la question ici, pourquoi il répète un chapitre sur tafsir al-tawhid, alors qu'on l'a déjà vu depuis le début, surtout dans le premier chapitre, juste après le titre Kitab al-tawhid. Il avait cité des versets et des hadiths déjà dont on comprenait le sens du tawhid. Donc pourquoi il réitère ça ici? En fait, il réitère ça ici pour rajouter un peu au sens du tawhid et au sens de al-ibada, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'adoration et l'explication concernant l'adoration. Donc ici, en fait, on va voir des choses en plus qu'on n'a pas vu précédemment, qui font partie du tawhid. Et ce chapitre, c'est comme un résumé de tout ce qui va venir après. Comme il le dit à la fin du chapitre, l'explication de ce chapitre sera tous les chapitres qui suivent. Donc c'est comme si ce chapitre y contenait un aperçu, et tous les chapitres qui suivent, c'est le développement et l'explication de ce qu'il y a dans ce chapitre. Donc il dit... وقوله تعالى ولو بدر وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Donc le premier cité le premier verset qu'il a cité ici, on va le traduire en disant أولئك الذين يدعون, c'est-à-dire ceux-là qu'ils invoquent, يبتغون, ils recherchent, إلى ربهم الوسيلة, vers leur Seigneur un moyen, al-wasila, c'est-à-dire un moyen d'arriver à lui. Ayyuhum aqrab, lequel d'entre eux sera le plus proche de lui, c'est-à-dire qu'ils sont en compétition les uns les autres. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba, et ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Donc ici, quand il dit ulaika alladhina yad'un, ulaika alladhina yad'unhum ou yad'unhum al-kuffar, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ulaika, c'est-à-dire ceux-là qui sont invoqués. Alladhina yad'un, yani al-kuffar. Donc le sujet de yad'un, ils invoquent ici, c'est al-kuffar, al-mushrikun. Donc ceux-là qu'ils invoquent, c'est-à-dire ceux-là que les mushrikun, que les polythéistes invoquent. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux qui sont invoqués par les polythéistes et par les mécréants. Ulaika alladhina yad'un. Ceux-là qu'ils invoquent. C'est-à-dire ceux-là, ces personnes, ces anges, ces prophètes, ces hommes vertueux, etc., que ceux-là invoquent, c'est-à-dire que les mécréants et que les mouchriquins, les polythéistes, invoquent. يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ. Ceux-là cherchent un moyen de se rapprocher de leur Seigneur. C'est-à-dire que les mouchriquins invoquent, donc que ce soit de Quraysh ou autre, invoquent des divinités, alors que ces divinités elles-mêmes cherchent à se rapprocher d'Allah. C'est-à-dire, ce sont des hommes, parfois des prophètes, parfois des hommes saints, parfois des anges, car on a vu précédemment que les Arabes d'avant l'islam adoraient aussi bien les pierres et les arbres que des prophètes, comme Isa par exemple, ou des anges, ou alors des hommes saints, comme notamment Maryam, ou alors Al-Lattu. Et ce verset, comment on va le comprendre aussi? On va le comprendre en lisant le verset qui précède. Donc le verset qui précède dit قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. Donc le verset qui précède nous aide à comprendre ce verset. Le verset qui précède dit « Dis-leur, c'est-à-dire dit Muhammad, « Qul, ud'u alladhina za'amtu min dunihi » Invoquez ce que vous prétendez en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah. « Fala yamlikuna kashfa ad-dharri ankum » Ils ne peuvent pas enlever le mal de vous. « Wala tahwila » Ils ne peuvent pas non plus le déplacer. Donc Allah dit « Ce que vous invoquez en dehors d'Allah » ne peuvent pas enlever le mal qui est sur vous. Et ils ne peuvent pas non plus le déplacer ou changer, tahwil, changer votre situation du mal vers le bien. Ceux-là qu'ils invoquent, donc ça parle toujours de ceux qui sont invoqués, cherchent eux-mêmes à se rapprocher d'Allah, al-wasila. C'est-à-dire, ils cherchent eux-mêmes à avoir la crainte d'Allah et à œuvrer pour se rapprocher d'Allah. Ayyuhum aqrab, et sont en compétition entre eux. Ayyuhum aqrab, c'est-à-dire lequel d'entre eux sera le plus proche. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ Et ils espèrent sa miséricorde. وَيَخَافُونَ عَذَبًا Et ils craignent son châtiment. Donc, qu'est-ce qu'on retire de ces deux versets en fait? C'est qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les mécréants de Quraysh et les Arabes d'avant l'islam, de la Jahiliya, adoraient des gens ou des êtres, des créatures d'Allah qu'ils prenaient comme des divinités, alors que ces créatures qu'ils invoquent elles-mêmes essayent de se rapprocher d'Allah, craignent le châtiment d'Allah et espèrent la récompense d'Allah. En plus, ces divinités qu'ils ont prises en dehors d'Allah ne peuvent pas les secourir et ne peuvent pas enlever d'eux le mal, comme la maladie ou les catastrophes de la vie, etc., etc. Donc, puisque d'une part, elles ne peuvent pas enlever pour eux le mal, alors leur adoration est insensée. Quel est le sens d'adorer quelqu'un qui ne peut pas te secourir? Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose dans le deuxième verset, c'est que ces êtres eux-mêmes, c'est-à-dire ces prophètes, ces anges, etc., eux-mêmes, cherchent à se rapprocher d'Allah et adorent Allah. Donc pourquoi vous les adorez alors qu'eux-mêmes sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi vous les adorez alors qu'eux-mêmes espèrent la récompense d'Allah et craignent le châtiment d'Allah? Voilà le sens de ce verset. Quel est le rapport avec notre chapitre ici? C'est de comprendre le tawhid par son contraire. C'est-à-dire ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des mushrikines et de leur pratique qui consiste à invoquer en dehors d'Allah des créatures d'Allah dont ils espèrent le bien ou dont ils espèrent la protection, et que ces créatures peuvent être également des êtres dotés de raison comme les prophètes ou les anges ou les hommes saints. Donc on en comprend que les mushrikines n'adoraient pas que des pierres et des statues. Ils adoraient également des prophètes, comme c'était le cas de Isa par exemple, ou des hommes saints comme Al-Lat ou comme Maryam, ou des anges, qu'ils disaient être les filles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous montre que cela invoquait ces créatures. Donc le tawhid, c'est le contraire de cela. C'est-à-dire, c'est invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, et lui vouer nos demandes et nos prières seuls sans ne rien lui associer. Donc c'est ça le but de ce verset ici. Pourquoi il l'a mis dans ce chapitre? C'est pour montrer que At-Tawhid, c'est At-Dua. At-Tawhid, c'est dans At-Dua, notamment. C'est-à-dire At-Tawhid, La ilaha illallah, c'est le fait d'invoquer et de prier Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et de ne pas prier et invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal, quel qu'il soit, même si c'est un prophète ou un ange. Donc ça c'est pour le premier verset, bien sûr. Ça, on va y revenir dans beaucoup de chapitres. وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ Alors, j'ai sauté une page. Donc, il dit وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Donc ici, il cite un autre verset, pardon, qui dit « وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ » Et lorsque Ibrahim a dit à son père et à son peuple « إِنَّنِي بَرَاءٌ » Bara'un ici, c'est dans quel sens? Bari, yani innocent. Bara'un مِمَّا تَعْبُدُونَ Certes, je suis innocent de ce que vous adorez. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي Sauf celui qui m'a, comment c'est, qu'est-ce que ça veut dire فَطَرَنِي? Créé, c'est comme « خَلَقَنِي » فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ Certes, c'est lui qui va me guider. وَجَعَلَهَا يعني Ibrahim وَجَعَلَهَا Quand il dit, et il en a fait, le ha dans جَعَلَهَا, ça revient à quoi? À quoi ça revient, le pronom? À cette parole. Quand il dit, إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فجعلها يعني هذه الكلمة كلمة باقية في عقبه وهي ماذا؟ لا إله إلا الله. Cette parole, donc Allah dit, et il en a fait une parole qui allait perdurer dans sa descendance afin qu'il revienne. C'est quoi cette parole? C'est la ilaha illallah. Ce qui veut dire que la parole d'Ibrahim dans le premier verset est le sens même de la ilaha illallah. Donc revenons à ce qu'il a dit Ibrahim à son peuple et à son père, qui adorait des étoiles et qui adorait des idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit innani bara'un mimma ta'budun. C'est-à-dire, je suis innocent, je me dégage de ce que vous adorez. C'est-à-dire qu'Ibrahim a exprimé à son peuple le fait qu'il mécroit et qu'il renie leur divinité, leurs étoiles, leurs statues, etc. Donc ça, ça correspond à la ilaha, quand on dit la ilaha. C'est-à-dire qu'on renie al-aliha. Qu'est-ce que veut dire ilah? C'est ce qui s'adore, al-ma'boud. C'est toutes les choses auxquelles on voue un culte. Donc lui, c'est la même chose qu'il a fait. Quand il a dit « innani bara'un mimma ta'budun », c'est comme quand on dit « la ilaha ». On renie les divinités. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait l'affirmation de l'adoration d'Allah en disant « illa alladhi fatarani », sauf celui qui m'a créé. Donc est-ce qu'il a renié absolument toutes les divinités? Non. Il les a reniées sauf une, qui est la vraie divinité, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Donc ça, ça correspond à illallah. Quand on dit la ilaha illallah, c'est la même chose qu'Ibrahim a dit à son peuple. Innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Il y a aussi une, quand il a dit illa alladhi fatarani, il y a une allusion quand il, pourquoi il a choisi de dire il, pourquoi il n'a pas dit simplement illallah. Pourquoi il a dit illa alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé, au lieu de dire simplement illallah ou illa rabb par exemple. Voilà, c'est pour attirer l'attention sur et faire comprendre que celui qui a créé, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et que vos divinités, comme elles-mêmes sont des créatures, eh ben elles ne méritent pas d'être adorées et je me désavoue d'elles. Donc, quel est le rapport de ce verset, une fois qu'on l'a compris, avec notre chapitre? C'est de montrer que le tawhid, c'est à la fois une affirmation et une négation. C'est la négation de ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'affirmation de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et que c'est le sens de la ilaha illallah, qui est basé, cette parole elle est basée sur deux piliers. La ilaha, qui est la négation qu'on retrouve dans la parole d'Ibrahim, et illallah, qui est l'affirmation qu'on retrouve dans la parole d'Ibrahim. Et également pour montrer que le vrai tawhid, celui qui est demandé du musulman, ne sera valable que lorsqu'il mécroira au tarout, c'est-à-dire aux fausses divinités, à ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Ibrahim a dit ici, innani bara'un mimma ta'budun. Donc Ibrahim ne s'est pas contenté d'adorer Allah seul. Qu'est-ce qu'il a fait également? Il a mécru aux autres divinités, mais en plus il a exprimé sa mécréance dans les divinités. C'est-à-dire qu'il l'a dit à son peuple, il a renié les autres divinités. Et ce sens, on le retrouve dans le verset de Surat al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Celui qui mécroit au tarout et qui croit en Allah, celui-là se sera accroché à la corde la plus solide. Qu'est-ce que c'est la corde la plus solide dans ce verset? C'est la ilaha illallah, la parole la ilaha illallah. C'est la même que la parole éternel dans le verset 2 qui parle d'Ibrahim. C'est la ilaha illallah. Donc le verset nous dit celui qui mécroit au tarout et qui croit en Allah. Donc ce qui est demandé dans le monothéisme tel qu'il est compris dans l'islam, c'est pas juste de croire en Allah, c'est de l'adorer. Mais c'est même pas juste de l'adorer seul, c'est de l'adorer sans ne rien lui associer. C'est même pas juste de l'adorer seul sans ne rien lui associer. C'est encore plus que ça, c'est ne rien lui associer, mais aussi mécroire à ce qu'on lui associe. C'est-à-dire mécroire aux croyances qui contredisent l'islam. Et mécroire à l'associationnisme, c'est-à-dire au shirk. Donc, une personne, son tawhid ne serait pas correct si par exemple elle adorait Allah seul, sans ne rien lui associer, mais lorsqu'elle voit le shirk Et elle, ou alors on lui parle du shirk, elle dit qu'il n'y a pas de mal à ça, par exemple. Même si elle, elle ne le pratique pas, mais il n'y a pas de mal dans cela. Il n'y a pas de mal dans l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors elle est hésitante à ce sujet. Elle dit peut-être que c'est valable. Celui-là, il n'a pas rapporté la position qui est dans le verset « Faman yakfur bit-tawut ». Il n'aura pas mécru au tawut pour que son monothéisme soit valable. Comme l'a fait Ibrahim en disant « Innani bara'un mimma ta'budun ». Il s'est innocenté de l'adoration des étoiles et des idoles que pratiquait son peuple. Donc ça, ça nous amène au sujet de « al-wala » ou « al-bara » également, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu qui est une des applications du tawhid. Le fait de s'allier et de se désavouer autour de ce point qui est « al-tawhid ». Ça, on aura l'occasion d'en reparler par la suite. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Ensuite il a cité un verset de la sourate At-Tawba qui dit ils ont pris, donc اتخذوا, ça parle des اهل الكتاب. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار, qu'est-ce que c'est الأحبار? Pluriel de حبر, c'est-à-dire l'ulama, c'est comme l'ulama, c'est-à-dire les savants. Wa ruhbanahum. Ar-ruhban, qu'est-ce que c'est? L'ubbad, ceux qui font beaucoup d'adoration, comme les moines par exemple, dans les monastères qui se consacraient à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc l'exemple des ahbar, c'est comme les rabbins par exemple, chez les juifs. Parce que c'était des gens qui prenaient soin d'apprendre la Torah, d'apprendre la science des prophètes, etc. Et l'exemple des ruhban, par exemple, c'est les moines qui étaient chez les chrétiens dans les monastères. Donc Allah dit, ittakhadhu, ils ont pris leurs savants et leurs, entre guillemets, adorateurs, arbaban. Arbaban, c'est le pluriel de rab. Donc on va dire comme des dieux. Parce que le mot rab et le mot ilah, on a déjà expliqué, le mot rab et le mot ilah, quand ils sont cités seuls, ils ont la même signification. Mais quand ils sont cités ensemble, Al-Ilah, c'est dans le sens de Al-Ma'boud, c'est-à-dire la chose qui est adorée, et Rab, c'est dans le sens de Al-Murabbi, c'est-à-dire celui qui a créé et qui a fait progresser ses créatures et qui a pris soin d'elles, etc. Donc ici, ce serait dans le sens, ils ont pris leurs savants et leurs adorateurs comme des dieux, c'est-à-dire comme des divinités, en dehors d'Allah, Wal-Masih ibn Maryam, et le Messie, fils de Maryam, c'est-à-dire Isa, alayhi salatu wassalam, alors qu'ils n'ont été ordonnés que d'adorer une seule divinité, et il n'y a de divinité que lui, qu'il soit exalté au-delà de ce qu'il lui associe. Ce verset, pour le comprendre, on a besoin de l'explication qui est dans As-Sunnah, dans le hadith de Adi ibn Hatim, dans le Musnad de l'imam Ahmed, dans les Sunan de l'imam Tirmidhi, rahimahullah ta'ala. C'est que Adi ibn Hatim, radiallahu anhu, était un sahabi qui était auparavant chrétien. Et lorsqu'il a entendu ce verset, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ma kunna na'buduhum ». C'est-à-dire que le verset dit que les gens du livre ont pris leurs savants et leurs adorateurs, leurs moines par exemple, comme des dieux, comme des divinités. Donc Adi a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « On ne les adorait pas ». Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? C'est-à-dire, on ne se prosternait pas devant eux, on n'égorgeait pas des bêtes pour eux, on ne faisait pas de dua pour eux, etc. C'est-à-dire qu'ils ne leur vouaient pas d'acte d'adoration. C'est ça qu'il a voulu dire. Comme si l'adoration n'était comprise que dans ça. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu, « Alaysu yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu, wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. » Il a dit, « N'est-ce pas que il rendait licite ce qu'Allah a autorisé, et donc vous le il rendait licite ce qu'Allah a interdit, donc vous le rendiez licite, et ils interdisaient ce qu'Allah a rendu licite, donc vous le rendiez interdit. » Adi a dit, naam, ça c'est vrai. C'est-à-dire que les gens du livre, quand est-ce qu'une chose était halal ou haram pour eux, selon ce que disent leurs ahbar, c'est-à-dire leurs savants, les rabbins, etc. S'ils décident qu'une chose est halal, elle est halal. Et s'ils décident qu'une chose est haram, elle est haram. Et ils ne se contentent que de ça. C'est-à-dire qu'ils les ont pris, eux, comme des musharri'in. C'est-à-dire c'est eux qui légifèrent, qui disent ce qui est halal et ce qui est haram. Donc pour la suite du hadith, Adi a dit na'am, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fatilka ibadatuhum. eh bien voici leur adoration. C'est-à-dire en les mettant comme des législateurs qui, eux, décident de ce qui est halal et de ce qui est haram, eh bien vous les avez mis à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'égal d'Allah azza wa jal. Pourquoi ? Parce qu'on sait que at-tashri', c'est-à-dire la législation, le fait de dire ceci est halal, ceci est haram, ceci est wajib, etc., etc., cela découle de quel attribut ? Cela découle de ar-rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le fait qu'Allah est le créateur et le gérant de cet univers. Donc il est le seul qui a le droit de dire qu'une chose est halal et qu'une chose est haram. Donc venir placer cette caractéristique dans quelqu'un, eh bien c'est le mettre à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est l'adorer, même si on ne se prosterne pas devant lui, même si on ne sacrifie pas de bête pour lui, même si on ne le prie pas, etc. Et qu'est-ce que dit le verset après ? Wal-Masih ibn Maryam, ainsi que le Messie, fils de Maryam. Et le Messie, c'est-à-dire Isa, comment est-ce qu'il l'adorait lui ? C'était vraiment en vouant des actes d'adoration. Donc en vérité, le verset nous montre les deux genres de ibadat. L'ibada par les actes d'adoration et l'ibada en mettant cette chose comme un rab qui va légiférer ce qui est halal et ce qui est haram. Donc c'est ainsi qu'ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala leurs savants et leurs adorateurs, en les mettant comme des musharri'in, c'est-à-dire des législateurs à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour ce chapitre, il y aura deux chapitres sur ce sujet, donc en gros sur le fait de juger par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour avant qu'on y arrive, et espérons qu'on y arrive d'ici là, on va expliquer le tafsir dans cette question, c'est-à-dire à quel moment le fait de mettre une personne à cette place, c'est du shirk akbar, et c'est le mettre à l'égal d'Allah azza wa jal. En fait, tout est une question de d'i'tiqad, c'est-à-dire de croyance. Si une personne met une personne à la place de législateur, c'est-à-dire qu'il le met, et que quand il dit c'est halal, et quand il dit c'est haram, et il croit dans son cœur que lorsqu'il dit c'est halal, et lorsqu'il dit c'est haram, même si ça contredit le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ce qui est dans la parole d'Allah, le Coran, ou ce qu'a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'unanimité, l'ijma' des ulama. Donc si il met une personne à cette place, là il l'a pris comme une divinité en dehors d'Allah et il sort de l'islam. C'est-à-dire qu'il dit, il met un tel à une place qui fait qu'il prend tout ce qu'il dit comme étant halal ou haram, même si ça contredit la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit d'une chose qu'elle est haram, et lui, si tel homme ou tel cheikh ou tel ce que vous voulez dit c'est halal, il va croire que c'est halal et il le considère comme étant halal. Alors celui-là, il a réellement mis cette chose à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si c'est que dans les actes, c'est-à-dire que par exemple la personne qui l'a mis à cette place dit d'une chose qu'elle est halal alors qu'Allah dit qu'elle est haram, et lui il en a connaissance et il continue de croire en lui que la chose elle est haram parce qu'il sait qu'Allah l'a rendu haram et que ce qui est haram c'est ce qu'Allah a déclaré haram. Mais dans les actes, pour un intérêt ou pour une passion ou etc., il va suivre la vie de cette personne. Là ça rentre dans al-shirk al-asghar, al-kufr dun al-kufr, c'est-à-dire c'est de la mécréance mineure et c'est de l'associationnisme mineur, du shirk asghar. Ensuite il y a un autre cas où c'est carrément pas du shirk. Quel est ce cas? C'est le cas du mujtahid, c'est-à-dire le savant qui a les outils, c'est-à-dire la science, les bagages nécessaires dans la science pour retirer les ahkam lui-même du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là il peut se tromper, et tous les êtres humains se sont trompés, et tous les mujtahidines de l'histoire se sont trompés dans des questions. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne se trompait pas. Donc celui-là, s'il se trompe, quel est son jugement? Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ » C'est-à-dire que si sincèrement il a cherché la vérité sur une question, à travers les versets du Coran et les hadiths, mais que finalement dans sa conclusion il s'est trompé, s'il avait eu raison, il aurait eu deux récompenses. Mais s'il se trompe, il en a qu'une seule, pour l'effort qu'il a fourni. Donc lui, c'est carrément pas du shirk, au contraire, il est récompensé. Maintenant vient le cas du l'ammi, c'est-à-dire celui qui va suivre ce genre de personne. Eh bien, tout revient à savoir, c'est-à-dire il suit cette personne notamment quand il s'est trompé. Donc il suit un mujtahid quand il s'est trompé. Eh bien, tout revient à savoir, est-ce qu'il sait que son jugement contredit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment il peut le savoir ça? Par le biais des autres ulama. Mais admettons qu'il ne le sache pas, et que ce savant est digne d'être suivi, et que c'est en lui qu'il a le plus confiance, et qu'il le suit dans son erreur, si c'était tout ce dont il était capable, eh bien, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'Allah lui a demandé en disant, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Donc, demandez aux gens du rappel, si vous ne savez pas, donc il ne sera pas blâmé pour cette erreur. Là, on ne peut pas dire qu'il l'a pris comme un législateur en dehors d'Allah, parce que lui-même ne peut pas chercher le jugement d'Allah seul dans les textes. Ou alors, il n'a pas accès aux paroles des autres savants. Ou alors, il a accès aux paroles des autres savants, mais lui ne sait pas distinguer entre les paroles des savants. Il prend simplement celui en qui il a le plus confiance. Celui-là, il ne peut pas être blâmé. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. Ensuite il a cité le verset de la sourate Al-Baqarah qui dit: et parmi les gens il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux, c'est-à-dire des égaux à Allah, ils les mettent comme des égaux à Allah, qu'ils aiment comme ils aiment Allah, alors que ceux qui ont la foi, والذين آمنوا أشد حبا لله, alors que ceux qui ont la foi aiment plus Allah, c'est-à-dire aiment plus Allah que les mouchriquins n'aiment leur divinité. Donc que nous dit le verset? Le verset nous dit, Allah Azza wa Jalla nous décrit ces gens qui aiment des créatures ou des idoles, etc., autant qu'ils aiment Allah, alors que les croyants aiment Allah plus que toute chose, et plus même que ces mécréants adorent et aiment leurs idoles. Donc, leur shirk ici, en quoi est-ce qu'il consiste? Il consiste en at-taswiya ou at-tandid, c'est-à-dire ils ont mis à l'égal une créature avec Allah subhanahu wa ta'ala dans quelle chose? Dans l'amour. Qu'est-ce que ça nous montre? Est-ce qu'ils détestaient Allah? Déjà, est-ce qu'ils croyaient en Allah, ceux-là? Ben oui. Est-ce qu'ils le détestaient? Est-ce que c'était des gens qui reniaient Allah ou qui insultaient Allah? Non, puisqu'Allah nous a dit yuhibbunahum kahubbillah, ils les aiment comme ils aiment Allah. Donc c'était des gens non seulement qui croyaient en Allah, mais qui aussi aimaient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils aimaient leur divinité autant qu'ils aimaient Allah subhanahu wa ta'ala, d'un amour qui est un amour de ibadah, un amour d'adoration qui pousse la personne à se soumettre et à s'humilier devant la chose qu'elle aime. C'est ça l'amour qui est voulu ici, qui est l'amour qui doit être consacré exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'amour de ibadah, l'amour d'adoration, celui qui pousse à te prosterner, à t'humilier, à te soumettre et à obéir à la chose que tu aimes. Cet amour n'est dû qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, le vouaient à Allah et le vouaient également à leur divinité. Donc qu'est-ce que ça nous montre ici par rapport au sujet, par rapport au chapitre? C'est que le shirk peut se faire tout en étant croyant en Allah. C'est-à-dire que ash-shirk et la mécréance n'est pas le fait simplement d'être athée, de ne pas croire en Allah, ou de détester Allah. Mais que les mécréants de Quraysh aimaient Allah, croyaient en lui, mais ils étaient quand même des mouchriquins. Pour quelle raison? Parce qu'ils aimaient leurs idoles autant qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset nous montre aussi que, donc le shirk, c'est de mettre à l'égal une créature avec Allah dans une adoration. Et il nous montre que l'amour est une adoration, et c'est même la plus grande des adorations. Et il nous montre que at-tawhid, qui est le fait d'adorer Allah exclusivement, son fondement et sa base, c'est l'amour. C'est-à-dire que le tawhid n'est pas qu'une adoration basée sur la crainte. Il est basé sur la crainte, mais il est également basé sur l'amour, car Allah dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ceux qui ont la foi, les monothéistes, aiment plus Allah. C'est-à-dire que leur adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala est basée et elle est accompagnée d'amour, encore plus que les Quraysh n'aimaient Al-Lat et Uzza, etc., etc. Et ça nous montre aussi que les adorations ne sont pas que dans les actes. mais elles sont, et c'est même, elles sont surtout même dans le cœur, car l'amour c'est quelque chose qui est dans le cœur. Ses traces sont dans les actes, mais l'amour lui-même il est dans le cœur. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. Ensuite il a dit, et dans le sahih, c'est-à-dire le sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit, wa kafara, et qui mécroit à ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang sont sacrés, sont interdits, et son compte est auprès d'Allah azza wa jal. Donc ici qu'est-ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit la ilaha illallah, il a la sacralité du musulman. Ses biens sont sacrés et son sang est sacré. C'est-à-dire, c'est lui le musulman. Il a fait dépendre ça d'une simple parole, qui est « La ilaha illallah ». Mais est-ce que cette parole, elle est dénuée de toute condition, et dénuée de preuves, ou est-ce qu'il a rajouté une condition? Ici, il a dit « Celui qui dit « La ilaha illallah »« Wa kafara bima yu'badu min dunillah » et qui mécroit à ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est-à-dire que si la personne venait à dire « La ilaha illallah » et même à attester l'attestation, mais elle continue à adorer par exemple Isa, ou à adorer Maryam, ou à adorer Bouddha, ou à adorer le Sidi Foulen ou le Wali Foulen, à adorer quelqu'un en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'invoquer en dehors d'Allah azza wa jal. Ou alors, il dit « La ilaha illallah » il n'invoque personne. Mais lorsqu'on lui parle du shirk, on lui parle de l'adoration de Maryam, de l'adoration de Isa, de l'adoration de Bouddha, etc. Il n'y voit pas de mal. Lui adore Allah seul, mais le shirk, il ne le renie pas. Ou alors il doute sur le fait que ce soit valable ou pas. Et bien celui-là n'aura pas mécru. Donc imaginez la condition que le prophète a mis ici, sallallahu alayhi wa sallam, c'est carrément al-kufr, la mécréance, c'est-à-dire de renier ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc comme le musulman adore Allah et invoque Allah, il doit également renier et mécroire, c'est-à-dire croire que l'adoration d'autre qu'Allah est nulle et est interdite et est du shirk. Et ce genre de hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui dit la ilaha illallah et ensuite il met une condition, on en retrouve plusieurs. Quand il a dit man qala la ilaha illallah yabtari bi dhalika wajh Allah plutôt, c'est-à-dire il cherche par cela la face d'Allah. Dans un autre hadith il a dit sadiqan min qalbihi, il le dit sincèrement de son cœur. C'est-à-dire qu'il le dit non pas pour plaire aux gens ou pour se protéger. Dans un autre hadith, il a dit « Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah » celui qui meurt alors qu'il sait qu'il n'y a de divinité qu'Allah. C'est-à-dire il a mis comme condition également de savoir le sens de « la ilaha illallah ». Donc « la ilaha illallah » c'est une parole, mais cette parole, comme le disait Wahb ibn Munabbih, c'est la clé du paradis certes, mais toute clé elle a des dents. C'est-à-dire qu'une clé, ce n'est pas une simple tige de fer. Si tu mets juste une tige de fer dans une serrure, tu peux tourner autant que tu veux, ça ne va rien ouvrir du tout. Donc lui, il disait, certes, la ilaha illallah, c'est vrai que c'est la clé du paradis. Mais une clé, qu'est-ce qu'elle a pour que ça puisse ouvrir? Elle a des dents. Eh bien, la ilaha illallah également, elle a des dents. C'est-à-dire, elle a des shurut, elle a des conditions. Parmi lesquelles, notamment ce qui a été cité ici, le fait de renier ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quel est le rapport entre ce hadith et le chapitre? C'est pour montrer que le tawhid, encore une fois, n'est pas le simple fait de croire en Allah, n'est pas même le simple fait d'adorer Allah. C'est le fait d'adorer Allah et de renier qu'on lui associe quoi que ce soit dans son adoration. Ensuite dans la fin du hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, wa hisabuhu ala Allahi azza wa jal, c'est-à-dire celui qui dit « La ilaha illallah » et qui remplit ses conditions, celui-là c'est le musulman. Pourquoi il a dit à la fin « Wa hisabuhu ala Allah azza wa jal » et son compte est auprès d'Allah. C'est-à-dire que le musulman, l'individu, ce qui lui importe, c'est ce qui est apparent chez les gens. C'est-à-dire que si une personne vient au musulman et dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » et qu'ensuite, dans les jours qui suivent, il ne contredit pas ça. C'est-à-dire qu'il délaisse, s'il adorait autre qu'Allah, il délaisse l'adoration d'autre qu'Allah. Et également, il se met à pratiquer, comme surtout la salat. Alors celui-là, c'est le musulman. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah Azzawajal ne nous a pas demandé d'ouvrir son cœur et de regarder dedans pour voir s'il est sincère ou pas. Allah nous a dit de nous contenter de ce qui est apparent. Si en apparence il est musulman, c'est-à-dire il dit la shahada et il ne le contredit pas par du shirk, alors c'est le musulman. Wahisabuhu alallah. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il est véridique, alors il méritera auprès d'Allah les mérites d'un musulman. Et s'il ment, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala de le savoir et de le punir. Mais nous, en tant que musulmans, on l'accepte en tant que musulman. C'est ça que veut dire ce hadith. Et pour la parenthèse, comment une personne devient musulmane ou est musulmane? Parce que ça, c'est une choubra que certaines personnes elles peuvent avoir, c'est-à-dire une fausse idée. Il y a des personnes comme ça qui sont adeptes du takfir et ils disent que même une personne, si son père il est musulman ou sa mère elle est musulmane, il faut qu'il prouve encore qu'il soit musulman. Ça, c'est le contraire de l'unanimité des musulmans. Les musulmans n'ont jamais fonctionné comme ça. C'est-à-dire que dans l'islam, si une personne est de père musulman et de mère musulmane, ou alors même seulement de père musulman, ou alors seulement de mère musulmane, il est musulman. C'est-à-dire dans son jeune âge. Et ensuite, selon la religion qu'il va pratiquer. Donc la base, c'est qu'il est musulman. Ça, c'est pour le musulman asli. Et pour celui qui n'est pas musulman d'origine, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est ce dont on a parlé ici. C'est-à-dire qu'il dit « Ashhadu an la ilaha illallah » wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il doit prouver ça également dans les actes, notamment par la salat. C'est-à-dire au bout d'un moment, comme le dit Cheikh Mohamed Aman, « Namtahinuhu », c'est-à-dire on va quand même le, entre guillemets, le surveiller. C'est-à-dire pas, ça ne doit pas être juste une prétention. Il faut également que dans la pratique, il l'applique. Donc il doit faire la salat, il jeûne le mois de Ramadan, etc. Et surtout, le plus important, car on peut dire à la limite que la salat, il n'est pas kafir, etc. Mais surtout, yakfuru bima yu'badu min dunillah. C'est-à-dire que s'il continue à dire que le christianisme c'est bien, ou qu'on peut prier Isa, ou qu'on peut prier Maryam, et où tout en, il continue de valider ses anciennes croyances, alors son la ilaha illallah n'est pas valable. Et là, on voit qu'en fait, il ne l'a pas dit réellement pour se convertir. Ensuite, le cheikh a dit « وَشَرْحُ هَذِي تَرْجَمَ مَا بَعْدَهَ مِنَ الْأَبْوَابِ » L'explication de ce chapitre, c'est tous les chapitres qui suivent, comme je vous l'ai dit au début. ثُمَّ قَالَ الشَّيْخ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَابُ مِنَ الشِّرْكِ لِبْسُ الْحَلْقَةِ وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ. Donc là, on commence réellement dans les chapitres qui nous expliquent التوحيد et le shirk en détail. Donc il dit chapitre, babun, deux points, minashirki, c'est-à-dire il fait partie du shirk. Donc là, à cette étape du cours, vous comprenez bien que je ne vous explique plus le mot tawhid, je ne vous explique plus le mot shirk. C'est-à-dire maintenant, dans le cours, on dit tawhid et on dit shirk. Je ne traduis plus, je n'explique plus. Donc il fait partie du shirk, le fait de porter une halqa, c'est-à-dire un anneau, ou un khayt, c'est-à-dire un fil, ou quelque chose qui y ressemble, pour enlever un malheur ou pour le repousser. C'est quoi la différence entre enlever un malheur et le repousser? Pourquoi il a dit les deux choses différentes? Enlever un malheur, c'est quand il est déjà là, comme une maladie par exemple, ou la pauvreté, ou autre chose. Et le repousser, c'est quand la personne, dans l'exemple de la maladie, elle est en bonne santé, mais elle craint d'être malade. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ce chapitre en fait? C'est que le fait de porter quelque chose, donc ça peut être un anneau, ça peut être un fil, et ça peut être d'autres choses, et des talismans, etc., etc., pour se protéger du mal, ou alors pour guérir d'un mal. Tout ça, ça fait partie du shirk. Car le musulman, il doit attendre ça de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit croire et mettre sa confiance en Allah azza wa jalla, et croire que le seul qui va le libérer des maux qui le touchent, des malheurs qui le touchent, et le protéger des malheurs à venir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Placer sa confiance et demander et souhaiter la protection vis-à-vis de ces choses-là que seul Allah peut repousser d'autres qu'Allah, eh ben c'est le mettre à l'égard d'Allah Azza wa Jalla. Voici pourquoi c'est du shirk. Donc il dit wa qawlillahi ta'ala قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Donc il a cité le verset qui dit, dis, voyez-vous. Donc dis au Muhammad, et là il s'adresse à qui? Au mushrikin. Afara'aytum ma tad'ouna min dunillah. Voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Si Allah me veut un mal, est-ce qu'elles peuvent enlever ce mal? Et si Allah me veut une miséricorde, est-ce qu'elles peuvent la retenir? Qul hasbi Allah. Dis, Allah me suffit. Et c'est en lui que ceux qui ont confiance doivent placer leur confiance. Al-Mutawakkilun. Donc qu'est-ce que nous dit le verset? Le verset dit à propos des mushrikines, demande-leur aux mushrikines, si Allah subhanahu wa ta'ala m'a destiné un mal, et Allah c'est lui qui donne le mal et le bien, et c'est lui qui a destiné pour l'être humain le bien et le mal, et les deux sont une épreuve pour l'être humain, aussi bien le bien que le mal. Si Allah me veut un mal, est-ce qu'elles peuvent enlever ce mal? Quelle est la réponse? Et même les mécréants de Quraysh vont répondre à cette réponse. Car ils savent que personne n'est à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa force et sa puissance. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Non. Si Allah t'a destiné un mal, est-ce que quelqu'un est aussi fort ou plus fort que lui pour pouvoir l'enlever? Subhanahu wa ta'ala. C'est non. La réponse est non. Et si Allah me veut un bien, est-ce que quelqu'un peut venir empêcher ce bien? Donc, si quelqu'un venait à dire oui, si Allah me veut un mal, quelqu'un peut l'enlever. Et si Allah me veut un bien, quelqu'un peut l'empêcher. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'il a mis quelqu'un, non pas à l'égal d'Allah, mais même au-dessus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Or, même les mécréants de Quraysh savaient que personne n'est au-dessus d'Allah et personne n'est à l'égal d'Allah dans sa force, dans son pouvoir et dans le fait qu'il gère l'univers. Donc, Allah ici pose cette question aux mushrikin, mais la question c'est quoi qui est voulu par elle? C'est-à-dire, ils posent la question, sachant qu'ils vont répondre au non. Et ils sont d'accord avec ce point. Les mécréants de Quraysh étaient d'accord sur le fait que si Allah te veut un mal, personne ne peut le retenir. Si Allah te veut un bien, personne ne peut l'empêcher. Ils sont d'accord sur ça. Et ils savent que leur divinité ne possède ni le bien ni le mal. Donc, si vous savez ça, alors pourquoi vous les invoquez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous devez vous tourner exclusivement dans vos invocations, vos espoirs et vos craintes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le sens du verset. Donc pourquoi le shaykh rahimahullah ta'ala parle de ce verset ici alors qu'il va nous parler des gris-gris, des talismans, etc.? Eh bien c'est parce que celui, comme on l'a dit, celui qui porte un gris-gris ou un talisman, etc., etc., eh bien ça revient à la même croyance. Il croit que si Allah lui a destiné un mal, c'est ce petit objet qui tient dans la main qui va le repousser. Et que si Allah lui a destiné un bien, comme si ce petit objet pouvait le repousser. Donc, finalement, il met cet objet à la place d'Allah Azzawajal. Parce que dire que cet objet va enlever le mal, ça revient... Or, qui a destiné le mal? C'est Allah. Donc, ça revient à dire que cet objet peut contredire le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la personne, souvent, qui a ce genre de talisman autour de son cou ou dans sa poche, n'a pas conscience de tout ça. Il ne se rend pas compte. Donc justement, c'est en expliquant, et c'est pour ça que le cheikh montre un verset qui parle des Quraysh qui adoraient des idoles, et il l'applique aux gens qui portent des talismans. Pourquoi? Parce qu'en fait, la croyance, elle est la même. Ils pensent que ce talisman va retenir une épreuve qu'Allah lui a destinée. Eh bien, finalement, c'est le mettre à l'égal d'Allah. Et c'est tourner son cœur vers une créature dans une chose que seul Allah Azzawajal peut faire. Voilà pourquoi ceci est du shirk. Maintenant, avant de lire les hadiths, parce que les hadiths ils sont plus explicites, les savants ont divisé le jugement des talismans, des fils, etc. en deux. Si la personne pense que ce talisman lui-même, ou ce bracelet, ou ce collier, ou quoi que ce soit, lui-même lui ramène du mal, ou lui ramène du bien ou repousse un mal, alors il l'a mis à l'égal d'Allah Azza wa Jal directement, et ça c'est du shirk akbar, c'est le grand shirk qui fait sortir de l'islam. Et malheureusement beaucoup des gens pensent ça, et c'est devenu la croyance la plus répandue dans les talismans, c'est ça. Si par contre il croit que ce talisman ne repousse pas le mal et n'attire pas le bien, mais est un sabab. Donc il sait que c'est Allah qui repousse le mal et c'est Allah qui lui donne le bien. Mais que ce talisman est une cause pour qu'Allah lui donne le bien ou repousse le mal. Alors là, ce sera du shirk ashar. Pourquoi ? Parce qu'il ne l'a pas réellement mis à l'égard d'Allah. Mais il s'est basé dessus comme étant un sabab. Donc sa croyance et son cœur se sont reposés sur un sabab, qui en réalité, est-ce que c'est un sabab ? Est-ce que c'est réellement une cause ? Ce n'est pas une cause. Donc dedans, il y a une sorte de fausse croyance et de se baser sur des causes qui sont fausses. Donc là, ça sera du shirk ashar. Donc on répète, s'il pense que cet objet repousse le mal ou attire le bien lui-même en dehors d'Allah, là c'est du shirk akbar. Par contre, s'il pense que c'est Allah qui lui donne le bien, qui repousse le mal, mais que le fait qu'il porte cet objet est le sabab de ça, c'est la cause de ça, alors là c'est du shirk asghar, le shirk mineur. Non, les médicaments ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que c'est un sabab. Les médicaments c'est tout le contraire. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, tadawu ya ibad Allah, wa la tadawu bil haram. Au contraire, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, de prendre des médicaments. Et il a dit également, « Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah. » Cherche ce qui t'est utile et demande l'aide d'Allah. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en aucun cas nous a interdit de faire l'asbab. L'asbab, au contraire. Les savants disent, « At-tawakkul, il a deux rukn, deux piliers. » Pour que vraiment la personne, elle soit mutawakkil, il faut qu'elle fasse deux choses. Il faut qu'elle fasse l'asbab, par exemple dans le cas de la maladie, elle prend le médicament qui est licite et qui est connu pour être un médicament. Et elle espère d'Allah subhanahu wa ta'ala la guérison, parce qu'elle sait que ça c'est qu'un sabab. Si Allah azza wa jalla veut que le sabab ne marche pas, ça ne marchera pas. Et si Allah azza wa jalla le veut, le sabab fera son effet. Donc à la fin c'est qui détient tout dans sa main et la conséquence de ton affaire c'est Allah. Mais Allah a fait que dans sa sunna, la sunna d'Allah comme on dit, c'est que toute chose a une cause. Toute chose elle a une cause. Et l'exemple le plus flagrant c'est lequel ? Eh bien, essaye d'avoir un enfant sans avoir de femme. Mais tu peux attendre toute ta vie et l'enfant il ne va pas tomber du ciel. Allah il a fait le monde comme ça. Tout a un sabab. Donc Allah te dit fais le sabab, mais c'est à moi que tu demandes le résultat. Donc les médicaments, il n'y a pas de shirk dedans. Sauf dans le cas où la personne, par exemple, se repose complètement sur le médicament en oubliant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire elle met toute sa confiance dans le médicament en oubliant la force d'Allah et le fait que c'est Allah qui donne la guérison. Là, ça peut être du shirk. Mais généralement, le musulman, ce n'est pas ça qu'il fait. Le musulman, il le fait comme un sabab. Mais si on lui demande qui va te guérir, qu'est-ce qu'il répond ? Il répond, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce médicament, c'est le sabab, c'est le sabab qu'Allah a créé et dont il a fait un médicament. Il a fait que lorsqu'on le prend, on guérit par sa grâce, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le sabab doit être légal aussi ? Bien sûr, ouais, le sabab il doit être légal. C'est pour ça que le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, tadaou wa la tadaou bil haram. Ça c'est dans le mousnad de l'imam Ahmed, rahimahullah. Soignez-vous et ne vous soignez pas par l'illicite, par les choses qui sont illicites. Ça ne veut pas dire que l'illicite il ne fonctionne pas. L'asbab, il y en a qui sont licites, il y en a qui sont illicites, et les deux, elles marchent. Sinon, les gens, ils ne feraient pas de haram. Ils ne voleraient pas, tout. Le vol, c'est un sabab. Il y a plein de choses qui sont haram, qui sont des asbab. C'est Allah qui les a créés comme ça. Mais en tant que muslim, pour obéir à Allah, tu ne dois te tourner que vers les asbab qui sont licites. On ne va pas finir, hein. Hein, en fait, les innovations, justement, les innovations, il y en a qui sont du shirk. C'est à la fois une innovation, si elle le fait en pensant que ça fait partie de la religion, eh bien c'est à la fois une innovation et du shirk. Il y a certaines innovations sont à la fois des innovations et du shirk. Comme par exemple le fait d'adorer les mausolées, etc. C'est du shirk parce qu'on doit adorer qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais les gens pensent que ça fait partie de la religion. Ils l'assimilent à la religion. Donc c'est en même temps du shirk, donc on appelle ça bid'a shirkiya, c'est une bid'a de shirk. Donc on va avancer, il dit ici, An Imran ibn Hussein, radiallahu an. Donc comme à l'habitude, on va lire qui est Imran ibn Hussein. Il dit, عمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر. Donc il dit son père Hussein également était un صحابي. Il s'est converti l'année de Khaybar. وغزَ عدة غزوات. Il a fait plusieurs, il a participé à plusieurs batailles. وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. Le jour de la conquête de Mecca, c'est lui qui portait le drapeau de la tribu de خزاعة. قال الطبراني رحمه الله أسلم قديما هو وأبوه وأخته وكان ببلاد قومه ثم تحول إلى البصرة إلى أن مات بها سنة 52. الطبراني disait qu'en fait il s'est converti avant ça, il s'est converti anciennement lui ainsi que son père et sa sœur, mais qu'en fait il était resté jusqu'à ce moment-là dans sa terre d'origine. Ensuite, plus tard, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a habité dans la ville d'Al-Basra en Irak et il est mort là-bas en l'an 52 de l'Hégire. Donc, an Imran ibn Hussein radiallahu an, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufr, faqala ma hadhihi, qala min al-wahina, faqala inzi'aha fa innaha la taziduka illa wahnan, fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Donc Imran ibn Hussein radiallahu anhu, il raconte ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme, il a dit fi yadihi halqatun, halqa c'est-à-dire un bracelet ou un anneau, etc. Min soufr, c'est quoi ce soufr? Le cuivre. Donc il portait à son un anneau de cuivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ma hadhihi. Donc quand il lui dit Mahadi, c'est à la fois pour qu'il explique ce que c'est, mais c'est en même temps un inkar, pour blâmer en fait, parce que c'était une pratique qui était connue. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Mahadi, et il lui dit Min al-Wahina, c'est contre al-Wahina. Al-Wahina, donc al-Wahn, qu'est-ce que c'est al-Wahn? Al-Wahn c'est Dhaf, c'est-à-dire la faiblesse. Donc al-Wahina, qu'est-ce qu'on en comprend? En fait c'est un nom de maladie qui touche le bras et qui affaiblit ou paralyse le bras. Donc il dit, je mets ça contre cette maladie, contre al-wahina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit inzi'aha. Inzi'aha, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste ikhla'aha. S'il lui a dit ikhla'aha, qu'est-ce que ça veut dire? Enlève-la. Inzi'aha, ça veut dire arrache-la. C'est pour vraiment lui faire comprendre, débarrasse-toi de ça le plus vite possible. Et il lui a dit fa'innaha la taziduka illa wahnan. Elle ne fera qu'augmenter ton wahn. Donc qu'est-ce qu'il a dit l'homme? Cette maladie elle s'appelle al-wahina, parce qu'elle donne al-wahn, la faiblesse dans le bras. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, elle va augmenter ton wahn, elle va augmenter ta faiblesse. Est-ce que réellement, c'est-à-dire qu'elle va augmenter sa faiblesse du bras? C'est quelle faiblesse ici qui est voulue? C'est-à-dire dans sa foi, elle va le conduire à sa perte, parce que c'est du shirk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit ici qu'il lui a dit de l'enlever, de l'arracher de son bras. Et après, il lui a dit fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. C'est très dur ici ce qu'il lui a dit. Il lui a dit car en effet, si tu étais mort en la portant, jamais tu n'aurais réussi. Abadan, il lui a dit abadan, jamais tu n'aurais réussi. C'est-à-dire, tu aurais subi le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui montre que cette sorte de shirk, même si c'est du shirk asrar, c'est pire que tous les péchés qui sont que la désobéissance aux parents, la consommation de l'alcool, etc. Et as-sahaba, radiallahu anhum, c'est ce qu'il disait, que as-shirk ul-asrar, les pratiques de shirk mineur, sont un degré au-dessus dans la gravité que les grands péchés. C'est-à-dire, c'est les plus grands des grands péchés. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils touchent à la croyance envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors qu'une personne, quand elle fait un péché, elle se fait du mal à elle-même, ou elle fait du mal à autrui, mais là, ça touche à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il lui a dit, si tu étais mort en la portant, jamais tu n'aurais réussi. Et on observe ici également qu'il ne l'a pas excusé pour son ignorance. Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimallah, dans les remarques sur le chapitre, il a dit, il n'a pas été excusé pour son ignorance. Parce qu'il a dit, si tu étais mort, alors que la personne ignorait le jugement de cet acte. Malgré cela, il lui a dit, si tu étais mort, ainsi tu n'aurais pas réussi. C'est-à-dire, comme l'ont dit les savants, que dans les questions de shirk et de tawhid, l'ignorant n'est pas excusé, selon des savants. Ce n'est pas tous les savants qui disent ça, mais selon un nombre de savants, que la personne n'est pas excusée pour les questions qui ont attrait au shirk et au tawhid. Donc il dit c'est rapporté par Ahmed, bisanadin la ba'sa bihi, c'est-à-dire par une chaîne de transmission qui n'est pas mauvaise entre guillemets, c'est-à-dire elle est acceptable. Walahu al-Uqbah ibn Amir marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Ensuite, il cite ici un deuxième hadith rapporté par Uqba ibn Amir. Donc, il a dit Uqba, huwa ibn Amir, ibn Amr, ibn Abbas, ibn Amr, ibn Adi al-Juhani, sahabiyun mashhur, fadilun, rawa kathiran, wa anhu jama'atu min as-sahabati wa tabi'in, ahadu man jama'a al-Qur'an, fasihan aliman, shahid al-futuha wa siffin, wuliya imarata misra, 3 sinin, wa mata qariban min as-sittin. Donc, Uqba ibn Amir, donc il dit, radiallahu anhu, al-Juhani, donc de la tribu de Juhayna. Donc c'était un sahabi très connu et qui a rapporté beaucoup de hadiths. Et beaucoup d'autres sahabas et de tabi'in ont transmis le hadith de lui, c'est-à-dire ont pris le hadith de lui. Il était un de ceux qui avaient appris le Coran par cœur, parmi les sahabas, et il était connu pour la langue arabe et pour sa science. Et il a participé aux conquêtes musulman et également à la bataille de Siffin, et il était responsable, c'est-à-dire gouverneur de l'Égypte pendant 3 ans, et il est mort à l'âge approchant l'âge de 60 ans. Radiallahu anhu. Donc il a dit, donc ici regardez comment il a dit le shir, walahu an Uqbah ibn Amirin marfu'an. Ça veut dire quoi marfu'an? Je pense qu'on l'avait déjà expliqué. Le mot marfu' ici, marfu' en arabe, ça veut dire élevé. Mais ici, il ne faut pas comprendre élevé. Ici, c'est ce qu'on appelle du istilah. C'est-à-dire, c'est une façon d'employer le mot qui est propre à une catégorie de savants, de spécialistes d'une science précise. Quelle science ici? Les sciences du hadith. Donc, dans les sciences du hadith, quand on dit un hadith marfou', c'est-à-dire un hadith qui vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si on dit un hadith mawquf, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire un hadith qui vient d'un sahabi. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais d'un sahabi. Et si on dit un hadith maqtou', qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un hadith qui vient, en fait, d'un tabi'i. C'est-à-dire, c'est une parole de, par exemple, Saïd ibn al-Musayyib ou bien al-Hassan al-Basri, il dit quelque chose. On peut appeler ça un hadith, mais un hadith maqtou', coupé, entre guillemets, ça s'appelle comme ça, c'est un lexique. Ils ont choisi des mots pour désigner des hadiths. Même si la plupart du temps, quand on dit le mot hadith, il s'applique que au marfoua, que celui qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une façon également, c'est de dire hadith pour les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'on dit pour le reste? Al-athar. Ça, c'est pas tous les savants, mais c'est quelque chose à notre époque qui est la façon d'employer les mots qui est la plus connue. Donc, quand vous voyez, par exemple, an Abi Huraira ou bien an Ibn Umar, marfoua, en fait, ça veut dire Uqba ibn Amir rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 points, et après il cite le hadith. En fait, c'est comme si on disait Walahu an Uqba ibn Amir anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc parfois, le dire anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent marfu'an, tout simplement. Ouais, voilà, c'est pareil, c'est la même chose. Voilà, marfu'an. Donc il dit ici, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Donc ce hadith, avant qu'on en parle, les savants du hadith disent qu'il n'est pas authentique, mais la deuxième version qu'il a citée, elle est authentique. Mais on va quand même l'expliquer pour voir le sens. Il dit celui man ta'allaqa, c'est-à-dire qui porte ou qui accroche. Donc il s'accroche à lui-même, soit à son bras ou à son cou ou à autrui ou à son véhicule, etc. Tamimatan. Donc celui qui accroche une tamima, fala atam Allahu lahu, qu'Allah ne complète pas ce qu'il souhaite. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de tamima. Qu'est-ce que tamima? Tamima, c'est le talisman, c'est-à-dire toute chose qu'on porte pour se protéger ou au contraire pour avoir du bonheur, comme porte-bonheur. Donc ça peut être, à l'époque c'était, il le faisait avec des perles ou avec d'autres choses qu'on va citer ici. Ça peut être n'importe quel objet. Tout objet qu'on porte à son cou, ou à sa main, ou dans sa poche, ou à sa voiture, ou on le met à son enfant, ou dans sa maison, en espérant de cet objet, ça rentre dans At-Tamima. Donc il a dit, celui qui accroche une tamima, fala atam Allahu la. Donc regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'expression ici, Il a dit Fala atamallahu la. Il a employé un verbe qui ressemble au mot tamima. Celui qui porte une tamima, qu'Allah ne complète pas ce qu'il souhaite. Et après, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa man ta'allaqa wada'atan. Wada'atan, c'est-à-dire, c'est les perles qui viennent de la mer. Donc celui qui porte une perle, parce qu'en fait les Arabes les utilisaient en pensant que ces perles, elles repoussent le mauvais œil, etc. Fala wada'allahu la. Wada'a, ça veut dire taraka, qu'Allah ne laisse pas pour lui, c'est-à-dire qu'Allah ne le laisse pas dans la tranquillité, et qu'Allah ne le laisse pas avec ce qu'il recherche. Donc, certains disent que pourquoi ils prenaient des wada'at, des perles, parce qu'ils en espéraient ad-da'a. Ad-da'a, qu'est-ce que ça veut dire? Ad-da'atu, le repos, la tranquillité. Comme les deux mots ils se ressemblent, eh bien, ils portaient des perles qui s'appellent wada'a pour avoir ad-da'a. Ça, certains savants, ils ont dit ça. Eh bien, le prophète, ici, dans le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué contre celui qui fait ça avec le contraire de ce qu'il veut. Celui qui porte une wada'a, la wada'a Allahu la. C'est-à-dire qu'Allah ne le laisse pas dans la tranquillité, ou qu'Allah ne le laisse pas atteindre ce qu'il recherche. Donc, ici, dans le hadith, s'il était authentique, bien sûr, on a l'interdiction de porter at-tamima, mais il dit wa fi riwayatin, et dans une autre version, qui est aussi dans le musnad de l'imam Ahmed, et celle-là, elle est authentique, il a dit Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Ce hadith, c'est le plus clair dans le chapitre. C'est le plus court et le plus clair. C'est-à-dire, si quelqu'un te demande qu'est-ce qui me dit que c'est interdit de porter un talisman, qu'est-ce qui me dit que c'est du shirk, c'est très simple. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Tout le monde peut retenir ce hadith. Man ta'allaqa, c'est-à-dire celui qui s'accroche, tamimatan, donc tamima, le talisman, faqad ashrak, a associé à Allah. Donc on a déjà expliqué pourquoi c'est du shirk, etc. Donc on continue dans la lecture des hadiths. Walibni Abi Hatim an Hudhayfa. Donc ici il dit, et Ibn Abi Hatim a rapporté de Hudhayfa. Donc on va lire les deux biographies. Il dit Hudhayfa ibn al-Yaman ibn Hasl wa yuqal Husayn ibn Jabir ibn Rabi'a al-Abasi Halif al-Ansar Sahabiyun Jalil ibn Sahabi min al-Sabiqin. Donc il dit Hudhayfa ibn al-Yaman, son père al-Yaman était également un sahabi, il fait partie des premiers convertis, al-Sabiqin. Asaba abuhu daman faharaba ila al-Madina fahalafa bani Abd al-Ashhal. Donc son père avait commis un meurtre dans la Jahiliya et il a fui et il avait fait un, c'est-à-dire il s'est rallié à la tribu de Bani Abd al-Ashhal, fasammahu qawmuhu al-Yaman. Donc c'est pour ça qu'on l'a nommé, c'était son surnom al-Yaman. Likawnihi halafa al-Yamaniya, parce qu'il a prêté serment avec al-Yamaniya, c'est-à-dire cette tribu. وأراد شهود بدر فصده المشركون وشهد أحدا فاستشهده أبو فاستشهد أبوه بها لما هزم المسلمون وصاح الشيطان أخراكم. Donc il dit ici que son père avait voulu participer à la bataille de Badr, mais justement les mushrikoun où il se trouvait l'ont empêché d'atteindre Badr. Par contre, il a participé à Uhud et il est mort dans cette bataille. En fait, il est mort lors du retour, c'est-à-dire quand les musulmans se sont retournés, il est mort dans ce moment-là, et il dit فَقَالَ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي فَمَا احْتَجَزُوا عَنْهُ حَتَّى قَتَلُوهُ. En fait, les musulmans l'ont tué par erreur, alors que Hudhayfa était en train de crier « Mon père, mon père !» Et il s'est fait tuer par erreur par d'autres musulmans. فَقَالَ حُذَيْفَ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ. Et Hudhayfa a dit qu'Allah vous pardonne, c'est-à-dire il a pardonné ceux qui avaient tué son père par erreur. Sahibu sirri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il était celui qui détenait le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le prophète lui avait dit certains hadiths qu'il n'avait pas dit aux autres, notamment le nom de certains munafiqin. Rawa muslimun annahu akhbarahu bima kan wa ma yakun hatta taqum as-sa'a. Donc l'imam muslim a rapporté que Hudhayfa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'avait informé de tout ce qui s'était passé, c'est-à-dire de l'histoire, et de tout ce qui se passera jusqu'au jour du jugement. وَاسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ عَلَى الْمَدَائِنِ فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى تُوفِيَ سَنَةَ سِتِّنْ وَثَلَاثِينَ. Donc Omar l'a mis comme gouverneur sur la ville de Al-Mada'in, et il est mort dans cette ville en l'an 36. Ensuite il passe à Ibn Abi Hatim, qui a rapporté cette parole. Il dit Ibn Abi Hatim, huwa Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Idris Ibn al-Mundir al-Razi al-Hanbali al-Tamimi al-Imam al-Hafidh al-Thabat Sahib al-Jarh wa al-Ta'dil wa al-Ilal wa al-Tafsir wa ghayriha. Donc Ibn Abi Hatim, son père c'était Muhammad Ibn Idris Abu Hatim, qui était un des grands savants du hadith à l'époque de l'imam Ahmed Rahimallah, et son fils Abdurrahman également était un des grands savants et un des grands imams du hadith, et il a écrit plusieurs livres comme Al-Tafsir, dont est tirée la parole de Hudhayfa, et également Al-Jarh wa Ta'dil sur les rapporteurs du hadith et d'autres. Il est mort en 327 de l'Hégire, rahimahullah ta'ala. Donc il dit an Hudhayfa radiyallahu an annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Donc il rapporte que Hudhayfa radiyallahu an a vu un homme qui portait un fil à son bras contre la fièvre, al-humma, c'est-à-dire contre la maladie. Et Hudhayfa, lorsqu'il a vu ça, il a coupé le fil qui était au bras de l'homme et il lui a récité le verset de la sourate Yusuf, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. La plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant associateurs. Ce verset, il parle de tel shirk. Il parle du shirk de Quraysh, la shirk al-akbar. Il parle de l'adoration des idoles, etc. Donc Hudhayfa radiallahu anhu a employé un verset qui parle du grand shirk à propos de ce shirk mineur. C'est-à-dire que les sahaba radiallahu anhum utilisaient tous les textes qui parlent du shirk de façon générale sur toutes les catégories de shirk. Et ça, c'est notamment une façon de faire peur à la personne. Donc le verset, si on le prend lui, on l'avait déjà expliqué dans le premier livre qu'on avait fait ensemble, « Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun » On avait vu l'explication de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, de Mujahid, rahimahullah, et d'autres parmi les tabi'in. Ils disaient « Tas'aluhum man khalaqakum wa man yuhyikum wa man yumitukum » C'est-à-dire les mécréants de Quraysh, si tu leur demandes « Qui vous a créé ? Qui vous fait vivre ? Qui vous fait mourir ?» Qu'est-ce qu'ils disent ?« Allah fatilka imanuhum » Ça c'est leur iman. Ils avaient une part de foi en Allah. Ils croyaient en Allah. En quelle chose ils croient en Allah ? Dans le fait qu'Allah c'est lui le créateur, c'est lui qui donne la subsistance, etc. Ma'ashirki ibadatihim iyyah. C'est-à-dire tout en associant dans leur adoration à lui. C'est-à-dire qu'ils croient qu'Allah c'est lui le créateur, ça c'est une part de iman, mais en même temps ils sont mushrikoun parce qu'ils adorent autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça le verset. Wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikoun. Donc ici Hudhayfa l'a appliqué à une personne qui était musulmane. Dans le sens, il est musulmane, mais en même temps, il pratique du shirk, qui est ici du shirk mineur. Donc, on a fini nos deux chapitres aujourd'hui. Barakallahu fikoum. Donc, la fois prochaine, on va faire un chapitre sur Ar-Ruqa wa Tamaim. En fait, le chapitre, il ressemble à celui d'aujourd'hui. Donc, on va encore parler des talismans. On va parler aussi des Ar-Ruqa, c'est-à-dire les incantations. بارك الله فيكم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه